par une nuit étouffante, sous la lumière tamisée des réverbères, au centre du boulevard du Spleen, trois rues se rejoignent et y apportent la tristesse d'une journée de plus. Fekel, Kala, Rima. Suffit de faire trois pas dans la rue pour se rendre compte que les yeux ne brillent plus et que les plaisirs ont disparu. Y a de la bonne humeur que dans les affiches publicitaires. Le reste du décor donne des tendances suicidaires. Et l'avenir s'apparente à une descente aux enfers. Ma pure c'était pas marrant, tiens comme du gaz dans l'air. Les sourires sont simulés. Elle a regardé la vie et t'as censé à croire que mourir va les stimuler. Dissimuler sous des joies éphémères. Les âmes en peine envahissent l'atmosphère comme l'effet de serre. Et c'est trop commun comme un grain de sable dans le désert. Les taux de la tristesse se resserrent et les desserts. Enfin moi je décris ce qu'il y a mauvaise voix. Peut-être reste du pessimisme mais c'est pas de la mauvaise foi. Des cœurs qui jouent à cache-cache avec la peau. Sous l'échafaud de leurs larmes, le pas trip dans la peau. La rue symbole de misère, les Champs-Élysées de lumière. On écrit noir sur blanc et notre conscience reste la même. La rue symbole de misère, les Champs-Élysées de lumière. À notre façon nous combattons ce putain de système. La rue symbole de misère, les Champs-Élysées de lumière. Y'a de la bonne humeur que sur les affiches publicitaires. La rue symbole de misère, les Champs-Élysées de lumière. Et la rue s'apparente à une descente aux enfers. Ouais tu l'as dit, c'est qu'elle dans ce bled on est mal intégré. Aux yeux de ses habitants nous sommes ce chemin créé. Du regard ils nous pourfendent et nous jugent comme des bourreaux. Sans chercher à comprendre nous enferment dans leur fourneau. Fourrés comme des poulets nous cataloguent comme boulets. Pour eux nous sommes échoués, ils ne seront jamais choyés. Cloisonnés dans leur foyer, dissimulés par leurs volets. Gardent un œil soudoué sur les passants quelque peu bronzés. Les rites d'une vie monotone se dessinent sur les visages. Quels que soient les âges, frôlent les murs à chaque croisement. Et doucement jette un regard sur l'étrange à son passage. Tout en gardant l'allure, en ignorant fortement la fréquence des adverses ne les a pas fait grandir. Des milliers de camps adverses et la politique nordique. Ici tout est ennemi, fulminé en tant que martyr. Sous l'effet de la solitude, dans les cœurs poussent des orties. La rue symbole de misère, les Champs-Élysées de lumière. On écrit noir sur blanc et notre conscience reste la même. La rue symbole de misère, les Champs-Élysées de lumière. À notre façon nous combattons ce putain de système. La rue symbole de misère, les Champs-Élysées de lumière. Y'a de la bonne humeur que sur les affiches publicitaires. La rue symbole de misère, les Champs-Élysées de lumière. Et la rue s'apparente à une descente aux enfers. Chez moi c'est la même. La maladie des problèmes, toujours le même thème, récurrent qui colle à mes semelles. T'as beau te remettre en selle, j'ai toujours la même haine. T'as beau faire le beau, on sait qui tire les ficelles. La rue me rend parano, le soir, la semaine et le week-end. Y'a plus de frérot que des gangsters qui veulent ta peau. J'me prends pas pour Eminem ni pour la star du ghetto. On est tous dans le même lot, mais pas la même enseigne. Le soleil réchauffe l'asphalte qui se mêle au sang qui coule dans mes veines. Sombre ruelle, star system, au classique rebelle. On se remet toujours en scène. Où tu nous mènes. La rue symbole de misère, les Champs-Élysées de lumière. On écrit noir sur blanc et notre conscience reste la même. La rue symbole de misère, les Champs-Élysées de lumière. À notre façon nous combattons ce putain de système. La rue symbole de misère, les Champs-Élysées de lumière. Y'a de la bonne humeur que sur les affiches publicitaires. La rue symbole de misère, les Champs-Élysées de lumière. Et la rue s'apparente à une descente aux enfers. La rue à la ferveur de tous vos serviteurs. À l'époque c'était les chéris, aujourd'hui c'est les chômeurs qui la chérit. Mais qui la pourrit, la surenchérit.